musique est finie. Bonsoir. Le titre de la conférence, ce soir, les grands initiés. Je ne poserai pas la question suivante. Qu'est-ce qu'un grand initié? Quand on dit un grand initié, est-ce qu'on veut dire un initié qui a été connu, un grand personnage qui a été initié? Ou une personne ordinaire, c'est-à-dire moins connue, qui a subi une grande initiation? Bon, ben, en commençant comme cela, nécessairement, on se rend compte qu'il y a facilement deux formes de grands initiés. Celui qu'on adore, puis celui qui l'est. Donc, il y a des personnes qui ont subi ou qui ont vécu de grandes initiations, ce sont donc des grands initiés, puis il y a des personnes qui n'en ont pas vécu, mais que les événements ont fait en sorte que ces personnes-là ont fini par apparaître aux yeux de d'autres individus comme étant des personnes supérieures. On a des individus qui ont passé leur vie à souffrir, ont passé leur vie à réussir, ont passé leur vie à être malheureux ou à être heureux, et certaines personnes, certaines populations les reconnaissent comme des grands initiés. Est-ce qu'un martyr, c'est un grand initié? Ça dépend du martyr. Ça fait que c'est pas nécessairement. Est-ce qu'un saint, c'est un grand initié? Ça dépend du saint. Un saint de gauche ou de droite? Un saint homme? Ça dépend donc, fait toujours de l'individu. Alors, l'initiation, qu'est-ce que c'est que l'initiation? C'est déjà une bonne chose à élucider. Pourquoi? Parce qu'on parle de grands initiés. L'initiation, c'est la capacité qu'a un humain de traverser dans sa conscience un nouveau palier de vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un grand initié ne reste pas un grand initié tout au long de l'évolution de l'humanité. C'est-à-dire qu'un grand initié est un grand initié dans son temps et il peut être un initié convenable ou normal ou même inférieur dans d'autres temps. C'est-à-dire que lorsqu'une personne vit à partir de traditions, vit à partir de concepts archétypaux, donc vit à partir de formes du passé, lorsqu'un individu vit uniquement en fonction de la mémoire et qu'à un moment donné, il traverse une brume de conscience pour parvenir à avoir une vision neuve, une vision qui n'est pas nécessairement accessible à l'humanité ou à la majorité des individus. Comme j'explique souvent, lorsque dans le passé, un peu avant le Moyen Âge, on avait des visions bidimensionnelles des objets, quand on faisait des dessins ou des peintures, c'était toujours sans profondeur. À un moment donné, certains individus ont été initiés à quelque chose de neuf. Ils ont eu la capacité d'entrevoir la profondeur et de la recopier sur un tableau. Alors, à partir de cet instant, les tableaux ont commencé à avoir une profondeur, donc une tridimensionnalité. Mais cela permet aussi à la conscience de ces individus d'avoir une vision tridimensionnelle du monde. Mais est-ce que ces initiations-là commençaient à voir, par exemple, en trois dimensions? En réalité, c'est commencer à conscientiser la troisième dimension. Mais c'était pas souffrant. Moi, je vois un initié comme le Nazaréen qu'on a crucifié, comme Jean le Baptiste à qui on a coupé la tête. Les non-initiés qui ont souffert. Et c'est facile de dire en plus que voir en trois dimensions, c'est pas souffrant. Non, c'est évident. Comme je t'explique, depuis le temps, c'est plus souffrant tellement. Les premiers individus qui ont commencé à découvrir qu'il y avait une troisième dimension n'ont pas dit simplement « Tiens, c'est drôle, quand on dessine, on fait ça à deux dimensions. » Non. À un moment donné, ils ont découvert qu'il y avait des humains qui étaient totalement des esclaves de d'autres humains. Ils ont découvert qu'à un moment donné, il y avait probablement des hiérarchies qui étaient infécondes. Ils ont découvert qu'il y avait des systèmes sociaux qui étaient dangereux. Ils ont découvert des choses que jusqu'alors, on disait « Ben oui, mais c'est normal, ça. » C'est comme à un moment donné quand les femmes découvrent subitement que dans leur religion, elles n'ont pas d'âme. C'est facile de dire « Ben oui, mais ça fait 800 ans que c'est de même. Je ne sais pas ce qui se passe là. On l'a toujours su. » On l'a toujours su, que la femme n'avait pas d'âme. Mais lorsqu'une femme arrive avec une nouvelle dimension dans sa conscience, elle va dire, « Tiens, je le sais, mais ça n'a pas de maudit bon sens. » Elle va souffrir. Celui qui découvre le nouveau mécanisme. C'est ça, je te donne un exemple de deux dimensions à trois dimensions. Mais dans les concepts théologiques, c'est la même chose. Lorsque l'être humain évolue au niveau spirituel ou au niveau théologique, à un moment donné, il finit par se poser les questions. Mettons, il se dit simplement, tout est parfait, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, bon, il nous aime, il nous sécurise, puis il nous attend quand on va mourir. Puis à un moment donné, tu découvres que son image et sa ressemblance, avec les conneries qu'on a faites, tabarnouche, Dieu ne doit pas être bien bon non plus. Ou bien on n'est pas à son image et sa ressemblance. Et là, on va te dire, oui, mais c'est parce qu'on a commis un péché. Ah, c'est correct. Mais là, dans ta conscience, à un moment donné, on a commis un péché, ça se promène. Mais si on était aussi parfait que Dieu, on n'a pas pu commettre de péché. Sauf si c'était prévu et programmé qu'on devait en faire un. Ou on n'en a jamais fait, mais c'était de toute façon, c'est déjà ça fait peut-être partie d'un mensonge cosmique, qu'on était à la ressemblance d'eux. Ou nous pensons que Dieu a une qualité telle, alors que peut-être qu'il n'a pas cette qualité. Bon, alors progressivement dans la conscience d'un individu qui avance, donc une personne initiable, parce que être initié, ça peut vouloir dire aussi être initié, ben, ésotériquement ou rosicrucianement parlant, relié à l'ordre rosicrucien, on va dire qu'un initié, c'est quelqu'un qui est initié à des mystères. Un mystère, c'est quoi un mystère? Quelque chose que l'on cache ou quelque chose qui demeure caché parce que les consciences des individus ne sont pas aptes à le voir? Alors, c'est une chose qui est importante à remarquer aussi. Donc, on a des personnes qui vont être initiées à des mystères, mais être initié à un mystère, ça ne veut pas dire, tiens, lis ce livre-là. Encore, voici ce que l'on fait. Bon, tu vas lire ou tu vas voir ce que l'on fait, puis tu comprends absolument rien. Mais on peut te donner des informations, puis celui qui les reçoit n'est pas nécessairement capable de s'en servir non plus. C'est ce qui va arriver. Donc, on ne t'initie pas, même si on t'initie à. C'est-à-dire que je vais t'initier au voyage astral. Mais après 3 ans, tu n'en fais toujours pas. Pourquoi? Là, il peut dire, ouais, c'est parce que ton cours n'est pas bon. Non, c'est parce que tu n'es pas bon. C'est-à-dire que si tu me garantis la matière de base, je vais te garantir le résultat. Donc, une académie ou une personne qui communique, qui est suffisamment dans son intelligence, ne donnera pas des cours à des individus qui ne sont pas aptes à réussir. Ça sauve du temps, ça sauve de l'énergie, hein, n'est-ce pas? Mais, donc, on peut... quelqu'un qui est initié, un initié, c'est quelqu'un qui est initié à des mystères. Des mystères, ça veut dire à une vision, ou à des concepts, ou à des compréhensions que le commun des mortels n'est pas capable d'aller saisir. Un grand initié, c'est quelqu'un qui maintenant sera initié, donc capable d'aller cerner, de conscientiser des choses que les initiés ne sont pas capables de cerner. Est-ce que les initiés ont tous eu des maîtres ou quelqu'un qui leur a enseigné ou s'ils sont tous appris de même? Les grands initiés sont tous des gens qui n'ont pas eu de maître. Alors que les initiés sont dans la majorité des gens qui ont eu des maîtres, les grands initiés. Et la majorité des autres individus, souvent, ont aussi suivi des chemins. Mais ça ne veut pas dire que, ça veut dire que si je suis quelqu'un, je ne serai jamais un grand initié. Que ça veut dire? Ça veut dire que les grands initiés sont des êtres humains qui n'ont jamais suivi personne et qui ne suivront jamais personne. Donc, une personne qui déjà... c'est pas, la question n'est pas de savoir si je suis ou si je ne suis pas quelqu'un. La question est de savoir si j'ai besoin de suivre ou non quelqu'un. La personne, donc, peut dire, ben moi, je ne suis pas personne, je vais finir par devenir un grand initié. Si tu as besoin de suivre quelqu'un, tu vas finir par devenir un grand inhibé. Bon. Tu dois faire ce qui a à être fait. Mais les grands initiés n'ont jamais eu de maître. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui ont été capables de défoncer des paliers, des plafonds de la conscience traditionnelle de l'humain, pour aller jeter un œil, une tête l'autre, de l'autre côté des mondes parallèles ou des mondes de conscience, pour après ça venir descendre en bas et expliquer ça. Mais quand ils l'expliquent, ils vont l'expliquer d'une façon... Quand on dit on l'explique d'une façon parabolique, c'est parabolique. Parce qu'un initié ou un grand initié n'explique jamais rien en parabole. Il le dit clairement, parfaitement. C'est perçu en parabole? Bien, les gens comprennent pas. Ils disent, c'est une belle histoire. Mais l'autre qui comprend tout, c'est pas une histoire, cette affaire-là, il parle de nous autres. Bien, c'est ça. Mais c'est une parabole, c'est un langage d'oiseau. C'est pas une parabole, c'est pas un langage d'oiseau. C'est clair et net, pour les oreilles capables de comprendre. Puis nécessairement, ça devient soit une farce, une facétie, ou une parabole, ou un cohen, pour ceux qui comprennent pas. Est-ce que les grands initiés ont tous été des maîtres ou des gens qui ont enseigné? Absolument. Bon, maître ou gens qui ont enseigné, c'est important de faire la nuance, parce qu'un maître, c'est quoi? C'est quelqu'un qui maîtrise ses différents plans. C'est pas quelqu'un qui maîtrise autrui. Hein? Bon. Est-ce qu'ils ont tous enseigné? Non, la majorité des grands initiés n'ont pas enseigné. Mais nécessairement, ils ont marché, ils ont vécu, ils ont respiré, donc ils ont imprégné. Ils n'ont pas enseigné. Le Nazaréen est un des rares qui a enseigné. Siddhartha Gautama, le Bouddha, est un des rares qui a enseigné. Aurobindo n'a pas réellement enseigné. Il s'est formé en enseignant. C'était un initié moyen. Pas tout à fait un grand, mais pas un initié de cours. Krishnamurti, même chose. C'est un initié entre les deux. Pas tout à fait un grand, mais pas un petit initié. Lui aussi, il n'a pas enseigné. Il s'enseignait en parlant. C'est une nuance. Il se servait des gens, donc, pour apprendre. Alors que le Nazaréen, lui, n'apprenait pas avec les gens, il enseignait. Et Bouddha avait appris avant, il enseignait après. Puis il y a eu d'autres, évidemment, il y a eu d'autres initiés moyens, et il y a eu d'autres grands initiés. Est-ce que le résultat d'être entre les deux, entre la comparaison entre Bouddha, le Nazaréen, ou d'autres qui se sont initiés eux-mêmes, si on peut dire, en enseignant, est-ce que le résultat final de leur état d'être est le même? C'est la même chose. La seule nuance qu'il y a, simplement, c'est que celui qui est un grand initié a la tête de l'autre bord. Donc, il a la tête dans un monde que l'humain traditionnel ne voit pas. Il a une conscience beaucoup plus volumineuse que ce que le commun des mortels a. Celui qui est entre les deux, il est en train de se créer un corps un double éthérique, pour pouvoir vivre cette bilocation de conscience. Donc, il est en train de se créer un véhicule pour être capable d'aller chercher une nouvelle conscience. Il n'a pas fusionné son double éthérique, donc il n'a pas fusionné sa conscience, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore tout à fait libre des limitations, des problématiques engendrées par le corps physique, le corps vital, le corps astral, entre autres, surtout l'ego, l'âme, etc. Donc, celui qui est initié moyen, il n'a pas nécessairement besoin d'un maître, mais il n'est pas encore tout à fait accompli. Alors que le grand initié, dans le temps où il est totalement accompli, c'est-à-dire qu'il n'a rien à apprendre de personne, il n'a même rien à foutre sur le plan planétaire. Mais l'initié moyen, justement, lui, il s'auto-instruit là, au fur et à mesure que... Donc, il y a une forme de décision, même si on est manipulé. En apparence, il y a une forme de décision de s'initier soi-même. C'est-à-dire que c'est vrai et c'est faux. Pourquoi? Parce que à partir du corps mental en descendant, il n'a pas de libre-arbitre. Quand il commence à avoir une conscience supramentale, une conscience qu'antiquement on appelait christique, lorsqu'il commence à avoir une conscience christique, il découvre une liberté beaucoup plus puissante dans sa conscience. Et cette liberté dans sa conscience amène une forme de pouvoir décisionnel, donc une forme de libre-arbitre, qui n'en est pas tout à fait un, mais une forme d'intentionnalité ajustée à l'intention qui est déjà en cours. Donc, autrement dit, il décide de faire quelque chose qui se fait déjà. Il décide de le faire parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. Puis en même temps, il découvre que ça se fait et que c'est parfait. Ce qui fait que de toute façon, ben, il n'y aura pas le choix non plus. Mais en comparaison, si tu prends le Nazaréen, il n'avait pas, lui, décidé de devenir un grand initié. Il s'est fait frapper par l'initiation. Non. Jésus s'est fait frapper par le Christ. OK, Jésus. On va commencer par Jésus. Il n'a rien choisi, lui. Jésus n'a pas été un grand initié. Ça a été un initiable. Il s'est fait expulser. Il s'est fait posséder par l'énergie christique. C'est donc devenu un Christ, donc un phénomène supramental intelligent qui est descendu dans un phénomène animal humain, qui est mémoriel. Et cela a donné par la suite ce que l'Église a appelé Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'amalgame de l'initié et de l'initiable. Donc, pendant longtemps, on avait un Jésus, un Nazaréen, qui doutait, qui ne savait pas trop, mais qui en même temps gagnait continuellement parce que l'intelligence de peine et de misère parvenait à accomplir les choses. Vers la fin de la présence du Nazaréen, le Christ, donc, domine. Mais quand on le retrouve sur la croix, lorsque le Christ sort du corps physique de Jésus, Jésus qui est encore, en termes d'ego, un enfant, l'enfant de près 8-9 ans, l'âge où le Christ est descendu, et tout ce qu'il trouve à dire, c'est « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Lui, c'est un initiable, mais ce n'est pas un initié. Alors que le Nazaréen global, c'est-à-dire le phénomène christique, vers la fin, c'est un grand initié. Il n'a plus rien à apprendre. Il instruit uniquement par imprégnation, par sa présence. Il n'a pas le choix. Mais ça, c'est un grand initié. Sauf que Jésus, ce n'en est pas un. Jésus, c'est un initiable. Mais lui, son état, à la fin, il a résorbé son faisceau, il est reparti. Il n'est pas là. Est-ce qu'il y en a des grands initiés qui ont resté plus longtemps sur le plan planétaire pour qu'on puisse mesurer un peu l'état de ce que ça peut être un grand initié? Bon, ils ne sont pas restés pour qu'on puisse. Non, pas pour ça, mais en tout cas, qui pourrait m'aider à mieux comprendre le sentiment ou l'état d'un grand initié. Il fallait mettre une virgule. C'est ça. Il y avait un point-virgule aussi. Oui, il y a des initiés. On peut prendre certains exemples. Il y a des noms qui sont dangereux à nommer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui les considèrent comme des très, très grands initiés. Et ces grands initiés-là, ce qu'ils ont enseigné à l'humanité, ce sont des choses qui font partie des forces d'involution, des choses qui font partie du mal. Si on dit, par exemple, qu'il y a certains grands initiés, ou théoriquement grands initiés, ce sont des personnes qui ont été initiables, ce sont des martyrs, ils ont souffert énormément et ils n'ont pas pu exprimer autrement leur initiation qu'à travers des mécaniques d'involution. Alors, on a des religions aujourd'hui qui vont enseigner que, comme je le dis de temps en temps, que la femme, par exemple, n'est pas sauvable. C'est un véhicule de chair et de viande. Et elle est là uniquement pour servir l'homme. Et qu'après 3 ou 4 réincarnations dans un corps de femme, si elle a bien servi l'homme, peut-être que là, la divinité en question va la ramener. C'est moins dangereux de parler d'elle quand même, mais disons, Krishna va peut-être lui permettre de se réincarner en homme parce que c'est la seule façon de le sauver. Bon, et ça, il y a des disciples en masse sur la planète Terre. Ça se compte on approche du million. C'est quand même pas énorme, mais c'est énorme. Il y a beaucoup de femmes là-dedans. On a d'autres religions qui vont spécifier que c'est absolument essentiel de mourir violemment pour pouvoir gagner le ciel. Alors, on a eu un grand vecteur conducteur. On a eu Odin, entre autres, qui était un initiable extrêmement avancé. Odin qui est devenu par la suite l'image divine des Vikings. Et la seule façon d'aller au banquet d'Odin, c'était de mourir violemment. On parlait de... Donc, les Vikings pouvaient même se faire des duels entre eux, puis se tuer entre eux, puis on fêtait. C'était rendu au banquet d'Odin. Parce que la nuance qu'il y avait, c'était peut-être violent, mais il croyait parce qu'il fêtait après. Même la famille, il pleurait pas parce qu'il était mort. Il fêtait, il était rendu au banquet d'Odin. Mais c'était la seule façon. C'était odieux. Et non pas un codin. Et il y a d'autres divinités très puissantes qui sont des grands initiables, ils ne sont pas devenus des initiés, et qui, eux, vont encore prescrire la même chose aujourd'hui, et c'est peut-être ceux-là qui, dans leur enseignement, vont engendrer la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que la seule façon de les rejoindre, c'est de mourir sur un champ de bataille en tuant des infidèles. Les infidèles, c'est ceux qui ne sont pas de même obédience religieuse. Et on parle d'une grande partie du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Mais pas de tout, mais d'une grande partie. Et il y a même des individus qui vont suivre les mêmes enseignements, mais qui vont les interpréter d'une façon plus moins radicaliste, c'est-à-dire que les autres vont dire, ben non, c'est plus ça, c'est une partie qui a mal été comprise. Alors qu'il y en a d'autres où ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher les enfants dans les écoles et puis on les envoie sur les champs de mines pour les faire sauter, pour ouvrir le chemin au char d'assaut. Et ça, c'est fait aujourd'hui. C'est correct. Ou encore, on prend les volontaires puis on les vide de leur sang pour se soigner les super-héros parmi leurs militaires quand ils sont blessés. Ils ont besoin de transfusion sanguine. Sur les champs de bataille, là, dans le désert là-bas, les banques de sang, là, la Croix-Rouge laisse couler son sang. On n'a pas à donner aux autres. Il y a donc des personnalités aujourd'hui qui sont considérées comme grands initiés ou comme divinités qui n'ont été que des initiables extrêmement martyrs. Et ils ont fini par refuser l'initiation. Et un initié, un initiable, un grand initiable qui refuse l'initiation, normalement, il vire totalement de côté. Et traditionnellement, dans les légendes, c'est toujours ce qu'on a. On a des grands maîtres qui enseignent à des disciples. Puis à un moment donné, le meilleur des disciples, souvent, finit par virer noir. Puis celui qui va se battre contre le maître. Est-ce que c'est parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'énergie d'initiation qu'ils changent de cap comme ça? Parce que ce n'est pas encore une décision de libre arbitre, ils ne l'ont pas non plus. Les grands initiables qui ont viré de bord et qui sont devenus des grands insondables, noirs, ce sont des personnages qui auraient dû être rejetés par le grand initié, par leur maître. Pourquoi? Pour la simple raison qu'une personne qui vit une phase d'évolution, si à un moment donné, elle est éloignée pendant 2 ans de son maître, est-ce qu'elle a poursuit le même cheminement évolutif? Ou si elle s'est refroidie à un point tel qu'elle ne poursuit pas le même cheminement évolutif? Autrement dit, est-ce que certaines personnes, et c'est ce qui est arrivé, certains personnages ont failli devenir des grands initiés, mais uniquement parce qu'ils étaient en contact avec l'énergie d'un grand initié. Lorsqu'ils sont arrivés tout proches de l'initiation, ça se fait seul, l'initiation. Alors, ils passent la tête de l'autre côté, et ceux qu'ils voient, ils ne peuvent pas continuer à être supportés par l'énergie de leur maître. Maintenant, ils se retrouvent, eux, tels qu'ils sont, sans l'imprégnation énergétique du bonhomme ou de la bonne femme qui était le maître, devant du neuf. Et plus souvent qu'autrement, non. Alors, ils revirent de bord complètement et là, ils vont appliquer des mécaniques archétypales totalement humaines, traditionnelles. Qu'est-ce qui a de la valeur aux yeux des hommes de l'époque? C'était, par exemple, d'être un roi puissant, c'était d'avoir des femmes, c'était d'avoir de la richesse matérielle, d'être viril, d'être... Bon, et on a maintenant un paquet de religions aujourd'hui qui ont été engendrées par des personnalités qui ont failli être un des grands initiés, qui ont viré de cap. Et qu'est-ce que maintenant leur Dieu demande à leurs fidèles? Qu'est-ce qu'eux ont laissé comme enseignement? C'est la même chose. Tenez-vous debout, bûchez sur les autres. Puis bref, soyez... finalement, ça n'enseigne que de la violence et de la tuerie. Toute forme de religion, par exemple, qui enseigne que tu dois aimer plus puissamment ton Dieu que toi ou que les autres, est une religion qui a été engendrée par l'enseignement des personnalités qui ont failli être des grands initiés puis qui ont viré de bord. Quand on posait des questions aux Nazaréens, par exemple, ce qui en était, lui-même, il disait, tu dois aimer ton... Bon, les commandements de Dieu, c'est quoi? On nommait, tu honoreras ton Dieu, etc. Tu n'honoreras qu'un seul Dieu. Lui en rajoute d'autres. Aussi, sinon plus important, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans Luc. Alors, il prend, et lui n'a pas donné les commandements de Dieu, il prend ce qui traditionnellement est là, et puis il vient rajouter quelque chose. Mais à l'époque, on ne l'a pas crucifié pour rien. Il avait amené suffisamment de conneries selon les personnalités de l'époque qui n'allaient absolument pas avec les enseignements traditionnalistes, laissés par des initiables, par des initiés. Moïse était un initié. Grand initié, disons un moyen initié. Abraham était un initié. Il y en a eu plusieurs. qui étaient des initiés. Mais eux ont laissé, ils ont vu un peu de neuf, ils l'ont laissé à l'homme. Quelques décennies par la suite, quelqu'un monte encore en haut, voit un autre neuf, il le change. Quand le Nazaréen est arrivé, c'était pas un initié, c'était un grand initié. Alors, ce qui l'a amené, là, on comprenait plus grand-chose. Parce que même la loi du talion est totalement biblique. Bon, alors, œil pour œil, dent pour dent. Alors que le Nazaréen va dire, tu dois aimer tes ennemis comme toi-même. Là, franchement, là, le gars, c'est un malade. C'est, bon, une chance que, qu'il était puissant. Est-ce que Ramos est un grand initié? Ramos, c'est un grand initié, oui. La difficulté que Rama a eue, c'est qu'il a rencontré Krishna. Et puis, les deux personnages ont été des conducteurs de la première sous-race de la race mère blanche dans le contexte indo-européen. Et il y a eu des problèmes à l'époque. C'était le règne du matriarcat, c'était le règne des sorcières. La femme dominait. Et Rama a réussi à... C'était comme aujourd'hui. C'était un peu plus pire. Ah, c'était pire, ouais. Dire à croire. Ça, mais effectivement, c'était difficile. C'était assez original à l'époque. Et Rama a amené des visions neuves. Il a amené des méthodes. C'est d'ailleurs lui qui va engendrer toute la mécanique des druides. C'est lui qui va engendrer une grande partie des religions de l'Inde quand on parle de Rama. Et par contre, un autre dirigeant, Krishna, a failli devenir. Donc, quand il a rencontré Rama, ils se sont heurtés un peu. Et par la suite, c'est toujours resté un peu problématique dans les annales historiques de ces religions-là. Est-ce que c'est Krishna? Est-ce que c'est Rama? Certains disent que c'est Krishna et Rama. Certains disent que l'un est plus fort que l'autre. D'autres que c'est le même personnage. Bon, on peut s'amuser comme on veut. Et puis d'autres s'en remettent à Brahma. C'est mieux. C'est le père des deux. Il y a eu Zarathustra qui a été un grand initié. Il y a eu Zoroastre qui a été un grand initié. Il y a eu Odin qui a été un grand initié. Toutes des personnes qui ont conduit des peuples et des sous-races. La majorité des individus qui sont dans la salle ici sont ont des relations avec la race teutonique, donc la cinquième sous-race de la race mère, alors que certaines personnes ont quelques affinités avec la race aryenne, qui est la première sous-race de la race mère. Adolf Hitler, lui, ce qu'il voulait faire, c'est de ramener cette race-là, qui avait été engendrée et construite par Rama, un grand initié. Est-ce qu'Hitler, justement, c'en était un aussi, un initié? Non, Hitler, c'est un initiable. Et encore une fois, lorsqu'il a commencé à voir ce que ça donnait, son rêve, réincarnant des mémoires de l'avenir, son rêve parfait était de vivre sur une planète totalement construite avec des individus parfaits. Il voyait là la race aryenne et des individus qui sont puissants, solides, qui ne sont pas nécessairement arrogants. Donc, c'est pas une question de pouvoir, mais une question de puissance. Sauf que lui, ce qu'il se disait, c'est que quelqu'un qui est puissant devant des faibles, nécessairement, c'est du pouvoir. Alors, ça sera donc du pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il le mérite. Mais un initié ne fera pas ça. Bon, il va laisser aux gens décider si c'est du pouvoir ou de la puissance. Mais lui, il a décidé que c'était comme ça. Et à un moment donné, il a marginalisé tout le monde. C'est-à-dire que tel peuple est inférieur parce que tel peuple descend de telle sous-race. Bon, évolutionnairement parlant, au niveau de la génétique, c'est fortement possible, mais sauf qu'au niveau des phénomènes réincarnationnels, au niveau des mélanges génétiques avec d'autres races, ce n'est plus nécessairement vrai. Si on regarde, la majorité des grands savants allemands étaient des juifs. Bon, qui se sont poussés, qui sont venus aux États-Unis, entre autres, tous ceux qui ont fait le cheminement complet de tout le cheminement nucléaire, c'est des Allemands. Je ne parle pas juste d'Albert Einstein, puis d'un paquet d'autres, de Von Braun, qui est un Allemand aussi. Il y en a un paquet qui étaient juifs là-dedans et qui se sont ramassés aux États-Unis finalement. Alors, Adolf Hitler, lui, c'est quand il a vu ce que ça donnait, il s'est rendu compte que c'était peut-être en l'an 2000 quelque chose, ou en l'an 2500, ou en l'an 3000, que ce qu'il vivait, vibrait, était pour être. Vous voyez ça loin. Et peut-être, oui. Et il aurait juste fallu qu'il regarde encore un peu plus pour se rendre compte que finalement, il aurait goûté à une forme d'énergie nouvelle ou s'arrêter celle de... C'est pas grave. Mais il n'a pas pu boire ça. Il est allé voir, puis il a redescendu en bas de suite. Puis là, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il n'est pas question. Il a voulu l'appliquer. Mm. Alors qu'on doit accomplir, on ne doit pas appliquer. Alors, il s'est mis à travailler pour faire bifurquer l'humanité avant son temps, ça n'a pas fonctionné. C'était donc un grand initiable, mais ça n'a pas été ni un initié, ni un... Ben, un initié peut-être à certains mystères, mais pas un grand initié. Un grand initié, oui. Qui était son maître ou qui aurait pu l'initier? Bon, qui était son maître, Adolf Hitler? Ça, c'est un... On va en parler un petit peu. Bon, ça me tente pas, mais on va en parler un peu. Parce qu'on peut. Les Juifs étaient le maître d'Adolf Hitler. Et c'est d'ailleurs de très, très, très grands initiés juifs qui ont travaillé pour éliminer le peuple juif. Et le plan de l'extermination d'une grande partie de la planète, en commençant par les Juifs, le plan existe depuis au moins 2030 et quelques années. Ce plan a vu, l'apparition de ce plan s'est fait dans la tête d'un grand initié. Il portait un nom qui est devenu par la suite synonyme de catalyseur de l'évolution. Son nom était Melchizedek. C'était un bonhomme qui a vécu plusieurs années. Il a rencontré Jésus enfant. Il a vécu à l'époque du Nazaréen. Il avait déjà préparé des choses. Le Nazaréen lui a glissé entre les mains. Et finalement, par la suite, les Juifs ayant éliminé le Nazaréen, il a laissé ce plan, un plan essénien d'ailleurs, parce qu'il était lui-même essénien, et il a laissé ce plan qui a été communiqué d'initié en initié à travers les temps, jusqu'à Adolf Hitler, qui d'ailleurs était de moitié sang juif. Et quand religieusement parlant, on sait que la majorité des prêtres juifs s'entendaient pour dire au peuple juif, quand ils montaient dans les trains de la mort, que non, là-bas, c'est des champs, c'est un village, c'est beau, c'est correct. Et le peuple, faisant confiance à leurs dirigeants juifs, il y a des exceptions, évidemment, mais on parle au niveau des hautes têtes, il y allait, mais il rentrait par une porte, sortait par une cheminée. Alors, qui a initié Adolf Hitler? D'ailleurs, qui l'a sorti de prison? Qui l'a rendu riche? Qui l'a aidé au complet à se construire? Ça a été des personnes attachées à ce qu'on appelle le prieuré de Sion, et qui est occultement rattaché à une loge franc-maçonnique. Il servait aussi de l'énergie de la lance de Longinus, tu as déjà dit dans d'autres, ça c'est oui. Lazare. Est-ce que Lazare et le Melchizedek en question avaient des affinités? Est-ce qu'ils se connaissaient? Est-ce que c'était? Ah, pour se connaître, ils se connaissaient. Pas réincarnationnellement, mais au niveau de leur présence, ils se sont connus. Lazare est un grand initié. Lazare, c'est celui qui va aider Salomon. Un peu avant, évidemment, son temps. Il porte le nom d'Hiram Abiff à l'époque. Lazare, c'est celui qui va engendrer l'ordre franc-maçonnique. Et c'est celui qui va engendrer sa contrepartie, l'ordre rosicrucien. Pour contrebalancer, Lazare contrôle le bien et le mal sur le plan planétaire, ce qui fait que, contrôlant le bien et le mal, il contrôle tout. Lazare va revenir sous le nom du comte de Saint-Germain, va revenir sous le nom d'un paquet d'autres comtes, Thomas Paine, entre autres, pour pouvoir faire l'acte d'indépendance des États-Unis. Et il va revenir de d'autres façons. Tout au long de l'évolution de l'humanité. C'est l'un des seuls grands initiés qui est resté attaché au côté occidental de l'évolution de l'humanité. Parce qu'on a eu des initiés qui sont restés attachés au côté oriental. Alors, on a eu Bouddha, entre autres, qui est resté attaché longtemps au côté oriental, jusqu'à un moment donné où on a créé un réceptacle de grands initiés qui s'appelle Dalai Lama. Et le Dalai Lama a la capacité de recevoir un grand initié au cours de plusieurs réincarnations, au cours de plusieurs vies. Tu comprends probablement pas ce que je dis. Oui. Ben, est-ce que je l'entends? Oui, je sais. Est-ce que je le comprends? Alors, le Dalai Lama non plus, c'est neuf. J'aime ça apprendre dans les conférences. C'est que... Le Dalai Lama est un grand initié, mais quand tu le rencontres, est-ce que c'est un grand initié? Ça semble pas. Mais lui, il se réincarne de façon perpétuelle depuis... Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pieds sont réincarnés au début, les genoux par la suite, le bassin ensuite, le ventre, le thorax, les épaules, la tête. Ce qui fait qu'il se réincarne sur plusieurs générations. Et non pas le Dalai Lama pas complet globalement. À chaque fois. Donc, quand tu rencontres le Dalai Lama, c'est une partie du grand initié que tu touches. Jamais le même. Et on pourrait même se rendre compte que les papes, c'est la même chose. Eux aussi, ils réincarnent les grands initiés. Ils réincarnent la mémoire... Un grand initié. La mémoire d'un grand initié, qui est celle du Nazaréen, mais ils ne réincarnent pas le Nazaréen en question, ils réincarnent la mémoire d'eux. Mais est-ce que de réincarnation en réincarnation, c'est-à-dire dans le cas des papes, le quinquennat... Ils cumulent. Bon, OK, c'est cumulatif. Et c'est pourquoi le dernier pape qu'on a aujourd'hui est un pape initié. Ils sont toujours de plus en plus près de l'initié. Jean-Paul I était génial. Son seul problème, c'est qu'il a trop souffert. Alors, il a voulu exécuter des choses. On l'a exécuté. alors que Jean-Paul II accomplit des choses. Jean le Baptiste, en parlant d'exécution, est-ce que lui, c'était un grand initié ou un grand initiable? Jean le Baptiste, c'était un initié. C'est un initié. Mais la rencontre d'un initié puis d'un grand initié, tantôt, tu as parlé de Rama puis Krishna, puis là, du Baptiste puis du Nazaréen, c'est jamais très, très confortable. Hein? Ça fait des grosses étincelles, normalement, mais il faut faire attention, c'est parce qu'à l'époque, les personnes ont trop d'égo. C'est-à-dire qu'un grand initié, s'il n'a pas trop d'égo, lorsqu'il rencontre un initiable ou un initié qui a encore de l'égo, ben nécessairement, celui qui a de l'égo n'arrive pas à rien comprendre, puis il attaque. Puis même si un grand initié n'a pas d'égo, c'est un grand initié. Il se défend pas. Mais c'est comme si tu tires une balle de fusil sur lui, puis ton fusil t'explose en plein visage, mais il ne s'est pas défendu l'autre. Mais ça crée toujours de grands problèmes. Les grands initiés, c'est des personnages qui ont marqué l'histoire de l'humanité, parce qu'il y en a eu, v'là. Il y en a eu en Atlantide, il y en a eu en Lémurie, qui n'ont pas la même valeur que ceux qu'on a connus par la suite. Il y en a eu après ça sur le continent américain, continent sur les terres européennes. Et ces personnages ont laissé des traces. Ce qu'on doit savoir simplement, c'est qu'occasionnellement, et c'est ce qui est en train de se produire présentement, c'est qu'il y a des cycles d'évolution. Dans les cycles d'évolution, normalement, on a un cycle d'une évolution d'humanité. Ce cycle-là dure plusieurs milliers d'années. Et à travers ce cycle de milliers d'années, il y a des races qui apparaissent. Les races, ce sont des races qui ésotériquement portent des couleurs, c'est-à-dire on aura une race transparente, une race jaune, une race noire, une race rouge, une race blanche, une race bleue, une race violette. Maintenant, les gens qui ne sont pas initiés pensent toujours que ce sont des races cutanées. Alors on dira la race jaune, c'est les Chinois, la race noire, c'est les Africains ou les Haïtiens. La race violette, c'est quoi? C'est les enfants qui naissent bleus parce qu'ils ont manqué d'oxygène? Bon. La race blanche aussi, mais comme je dis souvent, c'est que la nappe ici, elle est blanche. Ma peau n'est pas blanche. Ma chemise est blanche. Ma peau n'est pas blanche. Donc, je ne suis pas de la race blanche. L'albinos, c'est le seul initié. T'sais. En réalité, c'est une race neuronique qui doit être comprise, ce qui fait que ça n'a rien à voir avec le phénomène cutané. Présentement, dans l'évolution, il y a eu un guide, un grand initié pour la race transparente. Il y en a eu un pour la race jaune, un pour la race noire, un pour la race rouge, la race atlantéenne. Il y en a eu un grand pour la race blanche. À travers ces cycles, il y a eu un grand initié pour chacune des sous-races. Donc, dans la race blanche, le grand initié par excellence a été le Nazaréen. Dans les sous-races, il n'y a pas eu le Nazaréen. Il y a eu Rama, il y a eu Odin, Zarathustra, Zoroastre. Bon, il y a eu ces personnages-là qui ont été des grands initiés qui ont dirigé des sous-races. Maintenant, ce qui arrive, c'est que présentement, il doit apparaître sur la planète Terre deux autres grands initiés qui devraient diriger deux races. Une naissante en Amérique du Nord, une naissante en Amérique du Sud. Bon, qui seront la race bleue et la race violette? Peut-être qu'il y aura une guerre politique pour savoir qui est à quelle couleur, là. Bon, parce que l'humain, il s'amuse. Et il y a présentement deux grands initiés en formation ou déjà présents. Qui sont ceux qui vont diriger les deux nouvelles races en gestation puis en croissance? Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe du côté de l'Europe? Tu as seulement parlé de l'Amérique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud? L'Europe? Bien, l'Europe, eux autres, ils ont fait leur part. Merci beaucoup. Ils ont des ruines en Europe. On déménagera pas là-bas. Non, mais ils ont des ruines en Europe, on n'en a pas ici. Ils ont fait leur part dans le passé. Et avec les nouvelles races seraient seulement américaines? Les deux nouvelles. Oui, les américaines, deux. Nord et sud-américaines. Ben, ça n'empêche pas qu'il y aura des exceptions, mais on parle de la naissance de ces races-là va se faire là. Comme la naissance de la race aryenne s'est faite aux Indes. À l'époque, il n'y a pas d'Inde, il n'y a pas de frontières. Bon, on a eu plusieurs naissances. La naissance de la race celtique va se faire surtout au niveau de la France. Ben, c'est pas la France. La naissance de la race teutonne va se faire surtout au niveau du Nord. Mais est-ce que c'est uniquement les Vikings? Non, c'est Norvège, Suède, il y a des territoires qui maintenant appartiennent à d'autres pays qui ne sont pas... que dans notre tête ne sont pas vikings, mais il y a un paquet de territoires dans cette région-là. Alors, présentement, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Mais la naissance de ces deux races-là va se faire très rapidement. Elle est en croissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'une personne, par exemple, qui est venue au monde en 1920, 40, 50, 60, fait partie de la sixième sous-race de la race mère? Et encore une fois, je répète, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, ça a à voir avec l'intelligence dans la tête. Puis l'intelligence, ce n'est pas de l'intellectuance. L'intelligence, c'est la capacité d'accepter des choses neuves, d'être capable de former des choses neuves, d'être créateur, mais dans la tête. L'intellectuance, c'est la capacité de se rappeler ce qu'on a appris. et donc d'être traditionnaliste. Alors, la race, c'est une question de capacité de supporter du neuf, capacité d'expandre la conscience. La Terre est plate, la Terre est plate. C'est vrai que c'est plate, diront certains spirituels. C'est plate parce qu'on s'ennuie. Bon, mais la Terre est plate. Puis à un moment donné, quelqu'un dans sa conscience se dit, ça se peut pas qu'elle soit plate. Il faut qu'elle soit ronde. Bon, alors, une nouvelle forme de conscience. On n'a rien à faire de savoir que la Terre est ronde ou plate. De toute façon, quand tu fais le tour, que ce soit plate ou que ce soit ronde, l'important, c'est que tu te rendes. Mais l'idée, c'est que la personne qui conscientise ça va prochainement être capable d'avoir une nouvelle vision de l'homme, de la femme, de l'enfant, des animaux, des insectes, une nouvelle vision de plusieurs choses. Et là, progressivement, il expand sa conscience. Dans les années à venir, la sixième sous-race est une race qui développera de la puissance. La septième sous-race sera divisée en deux, une extrêmement faible et évoluée, et une autre suffisamment puissante pour être capable d'entrer en harmonique avec la sixième sous-race. Et par la suite, donc d'ici quelques années, la majorité de ceux qui ont été les grands initiés conducteurs de troupeaux vont réapparaître, vont se réincarner. Il y en a qui sont déjà en train de le faire. Est-ce qu'ils vont faire partie de la sixième sous-race? Ils vont faire partie de la ils vont faire partie de la sixième race mère. C'est compliqué. Donc, on a la race blanche présentement, qui est la cinquième sous-race, la nôtre, en tout cas la race teutonne, la race, disons, qui couvre le continent nord-américain, entre autres, en général, avec des exceptions partout sur la planète à cause des mélanges génétiques et des mélanges réincarnationnels, ça dépend de ce qu'on a dans la tête. Et non pas de quitter nos parents. Ça l'aide quitter nos parents, mais on n'a rien à faire. Bon, souvent même ça nuit. Bon, ça l'aide un peu. Ça l'aide pour se brancher dans l'histoire. Alors, on fait partie présentement, disons que tous ici, nous faisons partie de la cinquième sous-race, c'est-à-dire que nous faisons partie du cinquième, septième. Nous faisons partie de la cinquième sous-race. Présentement, parce qu'il y a des enfants qui naissent, eux sont légèrement améliorés, ils font partie de la sixième sous-race. Et il y aura des enfants qui vont être légèrement améliorés au niveau cérébral, donc sont capables d'être plus écologiques, d'être plus conséquentiels, seront capables d'exprimer un amour intelligent, et non pas un amour qui fait souffrir et conditionnel, seront capables de communiquer sur différents plans. Ces personnages-là vont faire partie de la septième sous-race. Maintenant, les individus qui sont déjà vivants, eux, pendant leur évolution, pendant leur vie, voient aussi des mutations. Quand on parle de grand initié ou de grand initiable, c'est un individu qui part au niveau des autres, mais qui, dans sa conscience, a quand même des bribes de différence. Et au fur et à mesure de sa vie, il souffrira l'initiation. Donc, il souffrira la mutation. Et lui devient, par la suite, ce qu'on reconnaîtra comme un grand initié, lorsqu'il aura traversé. Mais donc, ceux qui font partie de la sixième sous-race et même de la quatrième sous-race peuvent, par évolution, par mutation du corps physique, veut pas au niveau du système neuronique et endocrinien, du corps vital, ça va de soi, du corps astral, donc de la vision spirituelle, de la vision de l'amour, capable d'aimer mais de ne pas s'ennuyer d'aimer, ne pas vouloir posséder celui qu'on aime ou celle qu'on aime. Donc, une mutation qui se fait à ce niveau-là. Et au niveau du plan mental aussi, au niveau du plan supramental, ces individus-là qui sont nés de la quatrième ou cinquième sous-race vont peut-être finir par devenir des êtres qui, neuroniquement, au niveau de l'intelligence, feront partie de la sixième et de la septième sous-race. Mais là, ce qui arrive, c'est que quand ça, c'est totalement fini, il y a une nouvelle race qui apparaît. Une nouvelle race, c'est extrêmement différent, pas nécessairement au niveau de la longueur du nez, mais au niveau de tout ce qui va s'exprimer par l'individu, au niveau de ce que l'humanité va vivre. Autrement dit, c'est exactement comme si quelqu'un fait partie de la septième race, de la sixième race mère. Comparativement à nous, faisons partie de la cinquième race mère. Si on voit un tel individu, automatiquement, celui qui vit de la cinquième race mère sera... Voilà. Tu te promènes sur la rue, tu fais partie de la cinquième race mère, et tu rencontres subitement quelqu'un qui fait partie de la sixième race mère. Qu'est-ce qui t'arrive? Il t'arrive que tu te mets à pleurer. Il t'arrive que tu te mets à transpirer. Ton cœur accélère. Tu auras un paquet de symptômes biologiques sur lesquels je vais passer. Tu seras totalement déprimé. Tu seras totalement siphonné énergétiquement. Tu ne sauras plus quoi faire. Tu penseras probablement au suicide. Tu ne pourras probablement pas te suicider. Tu n'auras même pas le goût d'essayer. Ça sera un décrépitement total. Je pense que ma belle-mère est de la sixième. Je vais lui dire. C'est ce qui arrive. C'est ce qui va arriver lorsque les individus... Puis lui, l'individu de la sixième, il vit ça comment? En rencontrant quelqu'un de la cinquième? Ah, il court. Ça ne le dérangera pas trop. Prenons l'exemple d'un parent qui regarde, et il faut faire attention, souvent ce qui est dommage, c'est que l'enfant naît un cran en avant. Et en devenant adulte, et nous réincarnant un petit peu, il redescend notre cran. Alors, on a des enfants qui vivent certaines formes de martyrs. J'ai travaillé à Sainte-Justine et il y a des enfants qui devaient mourir. Leur maladie, ou etc., c'est des maladies qui les amènent toujours à mourir. Et ces enfants-là, donc, ont la capacité de fouiller là où on ne va pas fouiller. Pourquoi? Parce qu'on n'exige pas qu'ils réussissent à l'école. T'sais, il est leucémique en phase préterminale, celui qui fasse le devoir ou qu'il ne fasse pas, ça ne dérange pas trop. On essaie plutôt de faire ce que tu veux. Passer le temps. Oui, mais... Pour les adultes qui sont en même pas. Non? C'est ça qui est intéressant, parce qu'on se rend compte, même qu'en thérapie ou en fait en travail avec ces enfants-là, même les adultes, finalement, ne veulent même pas que l'occuper. Il veut la paix, on lui laisse. Bon, il veut parler, on va jaser. Parler de n'importe quoi, on jase. Mais quand il change de trame, on laisse changer de trame. C'est comme si on respectait le fait qu'il va mourir. Autrement dit, on ne l'écœure pas. Ni avec nos religions, ni avec nos philosophies, ni avec nos systèmes ésotériques, ni avec quoi que ce soit. On le laisse libre. Il jase. Et à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que l'enfant se rapproche de la mort, puis souvent les enfants faisaient peur aux adultes en disant, tu sais, je vais mourir dans pas grand temps. Hein? Quel sourire, là. Il n'y a aucun problème, lui. Là, là il n'y a plus un qui peut rien dire. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils se sentent siphonnés, ils se sentent dépressifs, ils ne savent plus se tenir, parce que l'enfant est en train, progressivement, il a une vision dans un autre plan. C'est un initiable en train de s'initier. Et à un moment donné, soit que les gens font partie de la cinquième sous-race-mère, l'enfant grimpe 6, il grimpe dans la septième à un moment donné. Puis là, quand il joue juste entre les deux au niveau de ce qu'il est, les adultes qui l'entourent commencent à le trouver à... C'est même plus une pitié, c'est une énergie qui est au-delà de la pitié, c'est dommage. C'est plus une question de pitié, là, c'est dommage. C'est idiot, c'est con que lui meure. Et à un moment donné, l'enfant va même mourir avec le sourire, et même va même dire dans 2 jours, puis ça arrive souvent qu'ils sont assez précis. Et puis finalement, ben bye-bye, demain, probablement qu'on se verra pas. Puis les parents osent même pas rester, ou s'ils veulent rester, ils se mettent loin. Bref, on veut pas nuire. Il est énergétiquement respectable. Mais pas comme si on ne pourra pas broyer, puis tenir la main, puis tout ça, rarement. Et à un moment donné, ben l'enfant meurt. Mais ceux qui l'ont approché en ont un souvenir. Quel genre de souvenir? Ils sont totalement marqués, totalement imprégnés et impressionnés par lui. Alors que l'enfant n'a rien enseigné, mais énergétiquement, comme je le dis souvent en conférence, c'est pas uniquement ce qu'on communique, c'est ce qui est rayonné. Alors, il est presque de l'autre race. Est-ce que c'est dans sa beauté, dans son esthétisme, dans son amour, tu sais, il va dire à ses parents, écoute, venez pas toujours me voir tous les semaines, sortez un peu de temps en temps, puis occupez-vous du reste de la famille. Mais quand ça a 7, 8 ans, ou 9, ou 10, ou 11 ans, ou 12 ans, puis ça te dit ça, t'es proche du maître. Puis l'humain ne mettra pas, c'est mon fils ou c'est ma fille, je pense pas que c'est un maître. Non, mais tu dis plus rien, hein, t'es planté raide. Parce que justement, il est capable d'amour intelligent. Est-ce que c'est des mécaniques comme ça qui font en sorte qu'on est capable de goûter un peu les races avant qu'elles arrivent, pour être capable de les supporter au moment où elles sont là? Ou est-ce que c'est des grands initiés qui font découvrir les races? Uniquement les grands initiés, c'est-à-dire que premièrement, ce qui arrive, c'est que c'est mécaniquement prévisible. Donc, il y a beaucoup d'individus qui sont des personnes extrêmement spirituelles, qui ne sont pas nécessairement initiables. Toute l'humanité vit une forme d'initiation longue et progressive qui se fait qu'à coûte à chaque 2000, 3000 ans, on a une initiation mineure au niveau de l'humanité. Bon. Mais il y a des personnages, à un moment donné, qui vont recevoir d'informations et qui vont commencer à écrire des romans, des films, des contes, des légendes. Ils vont faire des choses dans ce genre-là où là, on va amener une vision neuve de certaines caractéristiques de l'humain. Et on a eu plusieurs films ces derniers temps, ces dernières 20 années, et qui ont été des films éducatifs pour préparer certaines personnes. Il y a eu énormément de romans aussi qui ont été des romans pour préparer, alors que d'autres romans qui sont des romans plutôt négatifs qui vont contre l'idée. Bon, ou des films, même chose. Et progressivement, donc, l'humain finit par s'attendre à... Mais la majorité des personnes qui vivent le contexte nord-planétaire, nécessairement, il y aura des Européens, je répète, il y a des exceptions, et je reviens sur l'idée très importante, c'est beaucoup plus l'endroit géographique que la couleur de la peau, mais il y a des exceptions dans tout. Et on parle d'une race neuve, une race capable de comprendre des choses neuves. Ça fait partie de la sixième sous-race, donc les individus capables de non pas d'accepter tout ce que je dis ou tout ce qu'ils vont entendre, ce n'est pas ça l'idée, mais capable de perfectionner les traditions, ou même à un moment donné de faire éclater une tradition parce qu'elle ne leur plaît plus, font partie de la sixième sous-race. Nous, la majorité des humains, c'est la cinquième. L'individu maintenant capable d'appliquer ce qu'il vit, lui fait partie, même s'il applique un peu, il commence à appliquer, ou ça démange de ne pas toujours appliquer, lui commence à muter, il va rentrer dans la septième sous-race. Le choix de l'homme nouveau ou de la femme nouvelle, c'est lorsque l'individu astralement, bien, physiquement, vitalement, astralement, mentalement, a totalement accepté de vivre maintenant ce qu'il se passe, ce qu'il ressent chez lui. C'est comme si vous dites, par exemple, bon, la jalousie, c'est quelque chose de stupide. Pour beaucoup d'humains, ils vont vous dire, oui, oui, c'est vrai, mais il y a quand même une jalousie juste. Bon, c'est quoi la jalousie juste? Ben, il faut pas être jaloux à l'excès, tu sais, mais c'est sûr que si ma femme sort avec un autre homme, quand même, tu sais, c'est une jalousie qui est normale. Ça, c'est la cinquième sous-race. Bon. Une personne qui va dire, non, c'est vrai, la jalousie, c'est totalement idiot. Si j'aime ma femme ou si j'aime mon mari, si il, elle tombe en amour avec un autre, ça devrait pas me déranger. Je l'aime pour ce qu'elle est, pour elle. Si elle est heureuse avec un autre, il n'y a aucun problème là. Mais je suis quand même jaloux. Sixième, sous-race. Il comprend, il sait. Il a des problèmes avec. Il est en mutation. Et là, il est en train de vivre une initiation. Puis il y en a un petit paquet de personnes ici qui vivent des initiations. L'initiation, pour certains vont dire, oui, la mienne, mais elle n'est pas souffrante, elle n'est pas... Enfin, Christy, plaignez-vous pas que la vôtre n'est pas souffrante. Bon, il y en a des souffrantes, il y en a des moins souffrantes, il y en a des souffreuses, puis il y en a des correctes. Ça dépend bien gros de la normalisation que l'individu va vouloir faire dans son évolution. L'individu qui maintenant se rend compte, je te donne un exemple, la jalousie, là, mais ça vient tellement d'autres choses. L'alimentation, le travail, les relations humaines. Le racisme ou le sexisme, la même chose, c'est un racisme familial, bon, dans la même race. L'infantiliste aussi, ou l'enfant, quand il sera grand, on en reparlera. L'individu qui, à un moment donné, est confiné à devoir appliquer de temps en temps des choses, ça le démange encore plus que l'autre, il applique peut-être un centième de ce qu'il sait. Mais il applique un deuxième centième quelque temps après, deux centièmes, puis un troisième centième, lui, est dans la septième sous-race. Est-ce que la souffrance de l'initiation, des initiations dont, du modèle dont tu parles, c'est de passer d'une race à l'autre, est-ce que la souffrance est proportionnelle au fait qu'on n'applique pas les choses qu'on connaît? Exact. Si on applique 100% de ce qu'on sent, de ce qu'on vibre... C'est même important, ce que tu dis là, c'est qu'effectivement, l'individu qui souffre est un individu qui n'applique pas, et... plus tu attends, plus tu conserves de la mémoire, donc de l'illusion psychologique comme quoi ça va être compliqué à appliquer. Alors que la journée que tu décides, d'appliquer, ça se fait comme ça, sans problème. Il n'y a même pas de souffrance, il n'y a que des bénéfices. Mais moins on applique, plus on est frustré énergétiquement en face de nous-mêmes, comme en face des individus avec lesquels on pourrait énergétiquement communier. Et uniquement parce que, je le dis de temps en temps, prends ton corps, puis gros, il bouge. Bon, ton corps astral aussi, pas avec ton corps physique. Mais effectivement, alors l'individu qui applique instantanément, c'est facile. Mais l'individu qui veut appliquer, il se rend compte que c'est bien compliqué. C'est comme je dis souvent, tu as le gâteau, tu as la pomme, et puis tu arrives pour manger, puis subitement, tu conscientises que c'est la pomme, il faudrait que tu manges. Mais tu as juste le goût du gâteau. Le corps astral veut goûter le gâteau, mais ton intelligence, ton corps physique, peut-être préférerait la pomme. Mais là, tu viens pour prendre la pomme, puis maudit que c'est compliqué. Puis là, ça travaille en dedans. Il y a deux solutions. Mange le gâteau ou mange la pomme. Cesse de niaiser. Okay? Grouille. Oui, mais si je mange le gâteau, je vais en avoir encore. Tu perds ton énergie. T'es niaise. Mange-le, puis après ça, dis que c'était con. Va-t'en. Va jouer dehors. Oublie totalement, c'est fini. Parce que, ouais, mais je l'ai mangé encore, puis j'arrêtais de pas dire. Là, tu perds encore de l'énergie. Et cette énergie-là, tu en as besoin pour que la prochaine fois, tu prennes la pomme. L'individu, par contre, qui va dire maudit que c'est compliqué. Un exemple simple, là. Mais dans la vie, c'est la même chose. Maudit que c'est compliqué. Et subitement, là, prends la pomme, puis pogne dedans. Puis tu vas voir comment c'est que c'est niaiseux. C'était vraiment pas compliqué. Puis c'est pas souffrant. Mais qu'est-ce qui est souffrant? C'est justement le entre les deux. Puis l'individu qui déciderait qui est initiable, donc fait partie de la sixième sous-race, donc qui déjà là conscientise la problématique, ou qui commence à appliquer, fait partie de la septième sous-race, mais pas encore de la prochaine race mère. Il n'est pas encore un grand initié par rapport à cette race-ci, ou du moins un initié à s'avancer. L'individu qui joue entre les deux, s'il décide de manger le gâteau, plus il va manger du gâteau, plus il va souffrir. Alors il va dire, tiens, ça y est, j'ai éliminé toutes les pommes, fait que plus de problème, maintenant j'ai que du gâteau, fait que je ne me mets pas plus. C'est vrai. Là, la personne va manger du gâteau, puis à un moment donné, elle va être là. Puis après, se l'écrasant le visage, après, c'est, je suis fait à l'os. C'est pas ça. À un moment donné, il va tout abandonner pour aller manger que des pommes. Elle aura réussi son initiation comme l'autre. Elle aura souffert un peu plus. Fait que c'est pas nécessaire de souffrir. La culpabilité, c'est un gros problème. D'ailleurs, la sixième race mère, la prochaine race complète, ne connaîtra pas ni la culpabilité, ni la colère, ni toutes les mécaniques astro-psychologiques, style jalousie, haine, ennui, etc. Ça ne fera pas partie de sa conception. Il ne pourra pas. Exactement comme tu lui donnes une claque en plein visage, il ne te déteste pas. Comme c'est un imbécile, il ne peut pas te détester. C'est pas un imbécile, il ne peut pas te détester. C'est comme quand je frappe quelqu'un, paf, ça t'a-tu fait mal? Non, t'es un imbécile. Non, ça t'a pas fait mal parce que t'es pas bâti pour souffrir pour lui. Biologiquement. Tu peux, astralement, les gens sont communiqués, sont reliés. Alors, tu donnes un coup de poing dans la face de cette personne, puis non, elle t'haït pas plus. Et puis, si elle doit te tuer, elle va te tuer. Puis, est-ce qu'elle va t'haïr? Non, elle t'haït pas. C'est ça. Frappe-les, mais prends pas de chance, parce que tu, ça ne fait rien non plus. Mm-hmm. Là, on va dire, ouais, mais c'est un gars dangereux, c'est une fille dangereuse. Non, absolument pas. Pourquoi? Parce qu'il ne tue pas. Il ne tue pas. Mais il préserve la vie. La première vie à préserver, c'est la sienne. Alors, il tue pas. C'est pas le genre de personne, l'être nouveau, c'est pas le genre d'individu qui rentre dans une automobile, puis il y a une guêpe dans l'automobile qui se promène, puis qui prend son journal, puis qui la tue au cas. C'est moi, mais c'est dangereux, c'est ça. Dangereux en maudit comme ça. Si on a suffisamment peur des Russes, on va les attaquer, c'est au cas. Même chose, c'est identique. C'est typique de la cinquième race mère. Alors, non, tu vas ouvrir tes voies, mais si elle me pique, elle te piquera pas. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il dit qu'elle va me piquer, qu'elle me piquera pas? Prends ton journal, tu l'as, ben non, sors de toi, tu sais, des niailles, 16 d'être entre les deux feux. Mieux vaut que tu l'écrases ou que tu sortes. Si tu es suffisamment dans ton intelligence, elle ne te piquera pas. Mettons qu'elle piquerait, elle piquera pas. Mais l'individu, c'est ça. La peur de l'homme, de l'homme ancien, de la femme ancienne, de l'enfant ancien va faire en sorte que mieux vaut prévenir que guérir. Exact. C'est ça que tous les militaires tacticiens se disent d'ailleurs. Mieux vaut prévenir que guérir. On devrait éliminer tous les humains de sa planète. On pourrait après ça dormir en paix. Il n'y aurait plus de problème. Puis le fait d'appliquer l'intelligence, comme tu le dis tantôt dans l'exemple de la pomme et du gâteau, est-ce que à partir du moment où tu commences à appliquer, ben, premièrement, on a vu que c'est moins souffrant, mais est-ce que ça fait aussi descendre plus d'intelligence puis faire évoluer plus rapidement? En réalité, non. Oui. Mais en mensonge? Vu que non, en réalité, peut-être qu'en mensonge, oui. Alors, disons que l'intelligence descend jusqu'à ce niveau-là. À partir de ce niveau-là, non, elle descend en pointe. Plus elle s'approche de l'humain qui est refroidi, moins il y en a. Alors, si tu évolues, tu montes. Est-ce qu'elle va descendre plus? Non. Toi, tu montes. Mais t'en ramasses drôlement plus. OK? Elle descendra pas plus. Quand l'humain est là, puis il prie, puis il aimerait que ça vienne, puis ça vienne, puis ça vienne, puis ça vienne, okay? Lève-toi debout énergétiquement, tu vas pouvoir goûter. Applique des petites choses. Ouais, mais c'est des niaiseries. C'est pas ce que tu appliques qui est important. C'est que tu aies l'énergie pour l'appliquer. Tu te restructures. Aide-toi et le ciel t'aidera. Oui. T'as pas qu'il descende. Ben, non. Les grands initiés, est-ce que c'était tous faciles, les initiations? Dans le film qu'on. Est-ce que c'était tous difficiles, tu devrais dire? Oui, parce que toi, de la manière dont tu parles, ça a l'air facile. C'est de vivre une initiation. C'est quétaine. Bon. Mais si on regarde l'histoire du Nazaréen, entre autres, c'était peut-être facile pour le Nazaréen, mais c'était pas très confortable pour Jésus. Quand est-ce qu'il a souffert, le Nazaréen? Lui, non. Ah, ben d'abord, c'est quoi le problème? Il demande à Jésus pour le fun. Ah, et Jésus, c'est autre chose. Oui. Bon, ben nous autres, là, c'est ceux qui peuvent, à un moment donné, devenir pas des grands initiés, probablement, mais des initiés. Parce qu'on subit une initiation. Celui qui l'a subi. Parce que c'est réellement ça. Celui qui l'a subi, lui, en comparaison, disons que si j'étais quelqu'un il y a 3 ans, puis je suis quelqu'un d'autre aujourd'hui, je peux dire, celui qui est aujourd'hui, moi, je n'ai pas souffert. Mais celui que j'étais il y a 3 ans, il en a mangé, lui, pour arriver à être où je suis rendu là. Moi, je suis, pas lui. Exact. Bon, ben c'est... Donc, mais est-ce que tu as souffert? Non. Okay. C'est bien niaiseux, je me défais tout mon scénario pendant que je t'attends. Un ajusteur de pensée, ça sert à ça. Ouais. Ça permet de s'instruire soi-même en parlant, ce que tu fais là. L'individu, mais c'est important encore une fois, pourquoi? Parce que l'individu, justement, il a 3 ans, il ne voudra rien appliquer, peine trop souffrant. Chaque fois qu'il applique, il change, il ne sait plus souffrant. Là, il se dit, ouais, mais là je ne suis pas pour faire telle affaire, ça pas, fais-le, chou! Ah ben, C'était pas si dur que ça. Non, c'est pas dur. L'individu que t'étais, si t'aurais voulu rester comme t'étais, tu serais encore à souffrir énormément. Mais effectivement, parce que tu appliques des choses, automatiquement, tout change au complet. Alors, t'essayes. Maudit que ça fait mal. Applique-les totalement, mais pas à moitié. Un pied sur le bateau, un pied sur le quai, puis les deux pieds collés, ta barouette, ça va dire, moi, ça va souffrir. Bon. Mais à un moment donné, passe. Puis quand t'as passé, non, c'était bien facile. Il y avait vraiment rien là. Fait qu'on est, on meurt, on est, on meurt, on est, on meurt, continuellement. C'est ça. Oui. Et c'est ce qui est une mutation. L'individu change par quanta, c'est-à-dire que ça saute. Il va de coup en coup. Il va pas bien lentement. Il va de coup en coup. Il passe ou il passe pas. Vous comprenez ou vous comprenez pas telle ou telle chose. Vous appliquez ou vous n'appliquez pas. Par contre, ce qui est important de retenir, c'est que l'individu peut faire des rechutes. En réalité, c'est pas une rechute. C'est que le mental, la conscience chez l'humain, pas juste le mental, l'intelligence chez l'humain qui va régir le corps mental, le corps astral, le corps vital, le corps physique, à un moment donné, exprime quelque chose d'une façon vraiment écologique, conséquentielle, donc harmonieuse, ça va bien avec nous. Et puis, le lendemain matin, on a perdu un peu d'énergie pour plusieurs raisons. On va faire des conférences prochainement sur l'énergie. On a perdu un peu d'énergie pour certaines raisons. Alors, quand on se réveille, on n'est plus au niveau où on était hier, ou tout à l'heure, et on va appliquer des trucs. Et là, on va dire, j'ai encore fait une rechute. La problématique, comme je le dis souvent, c'est que vous n'avez pas fait de rechute. Oubliez ça. Sortez ça de votre mémoire. Vous n'avez jamais vécu ça. Oubliez-le. Sinon, on brûle en culpabilité ou en mentalisation de l'énergie, encore une fois, qui pourrait nous permettre de monter. Au lieu de monter, on continue à faire. On finit par devenir de grands philosophes mentaux sur ce que c'est que l'évolution. Comme je dis souvent, il y a plein sa planète des personnes, même dans l'Antiquité, qui ont vécu ça. Ils ont été des formateurs extraordinaires. Tous leurs élèves, tous les élèves qu'ils ont eus, les ont dépassés. Pourquoi? Parce que faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Il enseignait ça bien, mais il appliquait pas. Et oui. Et il mentalisait tout le temps. Alors, quelqu'un arrive avec un problème, ils sont capables d'y jaser ça, puis de tout le structurer. Puis l'autre qui part, puis qui est un peu vivant, il part pas avec la mentalisation. Il s'en va en se disant, ça a de l'allure, c'est vrai ça. Bon, puis là, il est bien, puis il commence à vivre l'énergie de l'autre. Puis l'autre, il est là, il dit, bon, rien d'autre de régler. Puis il s'en va chez lui, puis là, il fait même un bébé. Puis lui, il connaît tout. Il applique rien. Ça, c'est un mental. Et être mental ou mentalisé régulièrement, cette problématique-là, c'est dangereux. Quoique c'est essentiel pour parvenir au plan supramental. Mais seule l'intelligence va te permettre harmonieusement de mentaliser sans souffrir, astralement d'aimer sans souffrir, vitalement de te vitaliser sans souffrir, puis physiquement d'être présent et d'alimenter ton corps physique sans souffrir. Parce que l'amour, c'est une alimentation astrale. La mentalisation, la communication mentale, c'est une alimentation énergétique au niveau du plan mental. Puis la synergisation dans l'intelligence, l'énergiopathie, c'est une nourriture au niveau du plan supramental. Si on regarde les grands initiés du passé, le comte de Saint-Germain a été initié au plan mental et s'est arrêté là. Par contre, il est resté dans une enveloppe laissée par la présence du Christ, par la présence du Nazaréen, qui, lui, a touché le plan mental, le plan bouddhique, puis l'amour gratuit, puis le plan de l'intentionnalité. Bon, la majorité des grands initiés du passé sont montés au plan astral, pour certains, donc ils ont engendré de grandes, grandes religions, alors que l'humain, à l'époque, n'avait pas de conscience spirituelle. Il avait une conscience émotive, mais il avait une conscience mémorielle émotive. Il n'avait pas de conscience spirituelle, alors on a eu Abraham, on a eu Moïse, on a eu un paquet d'autres personnages dans d'autres religions qui ont été des grands initiés dans le plan astral. À un moment donné, on arrive à des initiés dans le plan mental. Alors, on a eu dans le plan mental, comme grand initié, on a eu Hermès Trismégiste, que tu connais très bien d'ailleurs. Moi, j'étais allé à l'école avec lui. Je pensais. Alors, on a eu Hermès Trismégiste, on a eu des personnages du genre. Au niveau du plan supramental, on en a eu un seul qui a effleuré le plan supramental, ça a été Merlin. Bon. Il y a donc des personnages des grands initiés qui ont touché le plan mental. Si on regarde un grand initié, Pythagore en est un. Pourquoi Pythagore en est un? Au niveau du plan mental. Bon, au niveau du plan de l'intelligence, non. Le Nazaréen, le bas, plat de couture. Pythagore a enseigné, Merlin aussi. Mm-hmm. Lazare, non. Lazare, il a formé. Il a formé qui? Il n'a pas enseigné. Ben lui, il a pris la place de, non? Souvent, c'est une chose qu'il ne faut pas dire. Mais surtout, il a formé. Il n'a pas enseigné. Il a déformé, lui. Ouais. Mais il a formé de laquelle, c'est sûr. Ouais. Ça dépend des points de vue, là, oui. Mais de l'extérieur, comme ça, on dit qu'il a formé. De l'intérieur, on ne dit rien, on n'est pas courant. Il en a formé plusieurs. Et Je te demandais ça parce que ceux qui forment, moi, j'essayais de voir s'il y a une distinction entre un grand initié puis un maître. Est-ce qu'un maître, c'est quelqu'un qui a enseigné ce qu'il a appris dans l'initiation? Ce serait plus, je le verrais de façon plus astrale. Un grand initié n'a à peu près pas de disciples. Alors qu'un maître... Mais sans avoir de disciples, il peut enseigner. Pythagore n'avait peut-être pas de disciples non plus. Il avait enseigné beaucoup. Disciples, pas énormément. Il ouvrait les écoles. Puis ses disciples, c'est tous des gens qui ont pu enseigner aussi, des gens puissants. Bon, mais il n'y avait pas... Quand on parle d'un maître, il faut s'entendre, on parle d'un maître avec la vision orientale mélangée occidentale spirituelle. Donc, il y a un maître que tu dois vénérer, sinon il est frustré. Là, on parle d'un maître. OK. Bon, les maîtres ont toujours beaucoup de disciples parce qu'ils ont besoin de leur énergie pour se supporter où ils sont, parce que s'ils partent, ils ne savent plus rien, ils tombent en bas. Bon. Alors, si on parle de vrais maîtres, donc d'initiés, ben, ceux-là ont toujours 2, 3, 4, 5 personnes avec eux, peut-être, parce que c'est pratique. Et en même temps, ça leur sert aussi de synergiseur, c'est intéressant. Mais ils n'ont pas, ils n'enseignent pas au peuple, peut-être une fois ou deux par année. On parle d'enseigner avec à caractéristiques fidèles, disciples. Bon, alors on a eu par contre des grands initiés qui étaient des orateurs. On a eu des initiés qui étaient des orateurs, qui pouvaient communiquer à plein de monde, mais il n'y avait pas de caractéristiques émotives entre eux autres. C'est-à-dire que le grand initié ne s'arrangeait pas pour que les individus deviennent dépendants de sa présence et de son énergie, donc de son enseignement. Ce qui fait que quand on parle du maître, c'est quand même normalement le maître va rendre dépendant les fidèles. Alors que l'initié qui communique, que ce soit orateur ou d'une autre façon, il y en a qui ont écrit, il y en a qui ont peint, il y en a qui ont parlé, eux ne rendront pas dépendants le public, les foules, de ce qu'ils sont eux. Parce que ça les empêcherait de continuer à évoluer? Parce qu'on ne crée pas une nouvelle race avec des gens qui suivent. On crée une nouvelle race avec des gens qui sont capables d'entendre, avec des gens qui sont capables de participer, mais pas avec des gens qui suivent. En attendant, on a le temps de prendre un café, une pause santé pour ceux qui le veulent. On continue tantôt. Thank you.